Le journal d'internet sud-coréen Tonglius annonce que le 13 courant, le comité préparatoire conjoint pour les rites consacrés au 15e anniversaire de la mort de Shin Hyo-sun et de Shin Mi-sun sous le blindé américain a organisé un meeting commémoratif sur le lieu de l'assassinat dans la ville de Yangzhou de la province de Gyeonggi. Avant la réunion, les participants ont marché depuis l'orée du village jusqu'au terrain de la mort, à la mémoire de deux lycéennes. Par la suite, ils ont tenu une cérémonie commémorative sur la place de Gwanghwamun à Séoul.